baisse donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre. Moi je dis c'est du sabotage. S'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé pour la rentrée de l'émission Johnny de A à Z qui a fêté la saison dernière ses 20 ans et là on va entamer la 21e saison de l'émission Johnny de A à Z et Johnny Hallyday pendant 2 heures à chaque émission. C'est la 465e émission, c'est la rentrée 2021-2022 et on va se retrouver pour une émission live ce soir. Je suis très heureux également de vous retrouver pour cette nouvelle saison tous ensemble. Et bien on va essayer de se retrouver tous les mercredis. Aujourd'hui, premier mercredi du mois, et bien je vous propose Johnny Hallyday en live. On va retrouver Johnny Hallyday un peu partout, hein, de 1960 jusqu'à l'année 2000. Mais juste avant de passer par Johnny Hallyday en live, je vais vous parler du moins de ce nouveau titre qui est sorti, La musique que j'aime, extrait donc du Johnny Symphonique Acte 2, qui sortira donc le 10 septembre. Yvan Cassar visite à nouveau les standards de Johnny Hallyday. Et donc ce nouvel extrait est sorti depuis une semaine, hein, et c'est La musique que j'aime avec Greg Slapp à l'harmonica. On va écouter ce morceau et après on enchaînera tout de suite Johnny Hallyday en live sur l'antenne de Érigé. Bonne soirée à toutes et à tous, c'est la rentrée! Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues, j'y mets mes joies, ouais, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Moi je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Mais la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entrevé. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, les mains noires lui donnent le jour. On chante les peines et les espoirs. On chante Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entrevé. chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Que de la musique que j'aime. Elle vient de là et elle vient de Blues. Tu sais que les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Règlement que le 14 septembre, il y aura un concert hommage à Johnny Hallyday au Palais Omnisport de Bercy. Enfin, ce n'est plus Bercy, c'est l'Accor Arena. Et je n'y serai pas. Greg Slab non plus, il n'y sera pas. Et puis voilà, il a dit, Greg m'a dit, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Voilà, il m'a entendu. Et puis voilà, c'est très bien ainsi, c'est très bien ainsi. Non, non, ce sera à éviter. Bon, allez, revenons un peu à cette rentrée live sur l'antenne de RIG pour l'émission Johnny de A à Z. Tiens, on a retrouvé entre-temps une petite vidéo de cette c'était Johnny Hallyday au cabaret aux Trois Maillets, Maillet avec un Z, TZ à la fin. C'était le 14 février 1961. Johnny Hallyday interprétait « Je cherche une fille ». Après, on retrouvera Johnny Hallyday lors du Ed Sullivan Show en 1962. Sur les boulevards, quand vient le soir, je m'en vais de mon papénard. Rien dans les poches, tout dans le regard. Pourquoi, oh pourquoi, je cherche une fille. Oh oh oh oh, je cherche une fille. Yeah, pour l'emmener faire un petit tour au ciné. Vous en la cuisine, envoyez la blonde au cabouet. Pourvu qu'elle ait un peu de fortune, un peu, oui, fortune. Je cherche une fille, oh oh oh oh, mais je la veux très très jolie pour l'embrasser, sans avoir à me forcer. Oh, ce n'est pas facile, je vous le dis, surtout quand on la rame ainsi. Riche et belle avec de l'esprit, voilà, oh oui, pourquoi je cherche une fille. Oh oh oh oh, je cherche une fille, genre modèle et qui serait intelligente et fidèle. Wouh, je cherche une fille. Oh oh oh oh, mais comme je suis pas prêt de la trouver, je vais garder Dorothée. Ah, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Nous sommes à présent au Ed Sullivan Show du 1er juillet 1962. Johnny interprète pour la télévision américaine Kitty Watch Pony Time depuis le Moulin Rouge de Paris. C'était en décembre 1961. Oui, vous voyez un peu, il diffusait des extraits que 6-7 mois plus tard, dans les années 60. Je crois qu'il y avait du mal un peu à communiquer Internet, n'existait pas, il me semble. Hein. Et il y aura aussi également un trio avec Connie Francis et Johnny Drury sur le titre You're the Top. Johnny Hallyday. Kili kili kili kili watch watch watch watch game game game. Depuis deux jours, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Kili kili kili kili watch watch watch watch game game game. C'est contagieux car au lieu de dire bonjour en me croisant, mes voisins chantent à leur tour. Kelly, ouais.

you're the top, number one in Italy. Merci. You're the top, also one in Paris. Merci. It's been told to me that in Germany you rate. And I've heard that things you'll simply quit in a 48. That's my home, you know. You're the top. You're out selling pizza. Better known. Mona Lisa. Now you're making me blush. Please tell me more, don't stop. What if Connie were the bottom? Well, if Johnny's on the bottom. Well, I'll tell you, I'm a level. You're the top. Je l'ai aidé lors du Ed Sullivan Show en 1962. Nous allons arriver dans une autre émission de télévision que Johnny apparaît dans l'émission H Tendre et Tête de Bois. C'était le 22 janvier 1964. Et il interprète le générique de départ avec Henri Salvador, Trini Lopez. Voici tout de suite le générique de H Tendre et Tête de Bois. Était Steve Olivier à ne pas oublier que la photo est de Claude Gallo, les caméramans étaient Jean-Pierre Bertrand, Roger Langui, Robert Neumann et Jacques Guillier. Ouais. L'ingénieur de vision. Alors qui c'est? C'est Jean Bergman. Yeah. Pierre Buisson, et Max Marceau, Maurice Charrier, tous les effets spéciaux, la script était yeah, yeah. Marion Sarro. C'est fini pour ce soir. La tête de bois. C'est fini pour ce soir. Achetant des têtes de bois. Encore une fois. C'est fini pour ce soir. Achetant des têtes de bois. Everybody, go. Quitte la télévision et on va sur scène. 1965, Johnny de retour à la vie civile en témoignage cette émission Interjeune à Montreux. C'était le 20 août 1965. Avec deux titres, Coran bien la nuit et Au Carole. Vous écoutez Johnny de A à Z, c'est la rentrée ici sur RIG. Quand revient la nuit, la lune vois aussi, mais trop loin de moi. Je suis un soldat comme d'autres là-bas. J'attends le jour qui verra mon retour. Quand mon cœur va mourir, tout ce que je m'ennuie, et c'est le temps. Chagrin que j'ai d'être séparé, bien sûr j'ai changé, ah oui changé, plus fort que jamais, je veux t'aimer, et je suis fait sonner, comme d'autres. On quitte

Antoine est avis résolu de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Elle avait de tout petits boutons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petites dons que je tâtais à tâtons. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petits boutons, elle était frisée comme un mouton. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits petons que je t'avais à carton. Tant au contraire, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits tétons, ses petits tétons. Et je ne m'en rappelle plus du tout. Johnny, je vais te poser une question, Johnny. Je crois que dans une chanson de Chevalier, il y a à peu près 50 fois plus de mots que dans une chanson d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que Chevalier serait très vexé d'avoir entendu sa chanson. Oh, pas du tout, j'en suis, il était ravi quand tu m'as dit. Alors, étant donné que tu as à peu près 50 fois plus de mots dans une chanson de Chevalier que dans une chanson habituelle, si tu veux, et le public semble le vouloir, on repart pour un deuxième et dernier refrain, c'est ok? D'accord. Allez, oh, ok, tous en cœur. Elle avait de tout petits bétons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons, je tâtais à tâtons. Mon compagne, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Votre petite était frisée comme un mouton. Johnny Hallyday au palmarès de la chanson en 1967 avec Guy Luxon. On le retrouve tout de suite au Palais des Sports en 1969 pour ce fameux combat de boxe avec Luther Allison. La chorégraphie cachée derrière mes poings. J'ai caché derrière mes poings. J'ai buté en les grands temps. Baissé 120%. Kilo cassé dans une place à 1000 francs. Quand il a vu ma droite, il a acheté son cigare. Et dans ses yeux j'ai vu des valises de dollars. J'ai vu qu'il me fallait gagner ce soir. Caché, caché derrière mes poings. Monsieur les gens, monsieur ton porte-étant. Elle a me voir souffrir, ou bien à m'applaudir, à moitié fourvoyeur et à moitié vampire. Et dans leurs yeux j'ai vu des mises à mort. J'ai vu qu'il me fallait gagner ce soir. Yeah. Ce soir, au célèbre Palais des Sports de Paris, grand combat international de poids moyen en 10 reprises de 3 minutes. À ma droite, directement venu d'Amérique et candidat au titre de champion du monde, le bombardier noir de New York, Lester Wilson. 72 kilos 500, l'actuel champion du monde des poids moyens, Johnny Hallyday. caché derrière mes poings. J'ai vu au troisième rang une fille qui s'en allait. On m'a bougé, crié, alors elle s'est retournée. Et dans ses yeux j'ai vu ce qu'elle pensait de moi. Un homme sans foi ni loi qui a la mort au doigt. J'ai vu que j'avais perdu. Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1969. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny 2 à Z qui fête sa rentrée ce soir, la rentrée de la saison 2021-2022. On retrouve Johnny Hallyday à Chantilly pour la tournée Johnny Circus. Comme si je devais mourir demain. Vraiment. Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous puisse venir me voir en face et me dire sincèrement si dans la vie il peut me jurer qu'il n'a jamais été déçu par rien? Est-ce qu'il y en a un seul ici ce soir qui puisse me dire en face quand l'amitié n'a jamais été déçue? Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous ce soir qui puisse venir me voir et me dire en face qu'en amour il n'a jamais été déçu? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a un seul? Que tu vaux mieux que moi. Maintenant, présent, tournée d'été 1973, Johnny interprète Que je t'aime. Ici sur RG, dans l'émission Johnny de la Z, c'est la rentrée. Voilà, 17 novembre 1973, Johnny s'accompagne d'une guitare sèche pour interpréter J'ai besoin d'un ami dans l'émission Samedi soir, talk show présenté par Philippe Bouvard. J'ai besoin d'un ami pour échauffer ma vie. Pour les jours sans amour et d'ennui, que ce soit un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend la main. Je suis seul. Je ne suis qu'un passant,

trouvé un ami qui était un des grands triomphateurs de l'année 79. Le public est venu, critique unanime, vous êtes d'accord, Johnny Hallyday. Formidable. Vous êtes bien avec Hallyday tous les deux. Ah, tous les deux, on est tous les deux bien avec Johnny Hallyday. Mireille est bien avec Johnny Hallyday. Rouleau est bien avec Rouleau, il a chanté J'ai oublié de vivre. Je suis bien avec Johnny Hallyday. Oui. On est pratiquement tous bien avec Johnny Hallyday. Bon. C'était une vieille Moi, il y avait Sardou et moi, on est fâché, t'as pas lu les journaux, nous, on s'ouvre pas. On est censé supporter. Mais non, ils s'aiment tous dans ce métier, les stars s'aiment. Tout le monde s'adore. Bon, vous êtes d'accord, on trouve Johnny. Allez. Il vous annonce une bonne nouvelle. Ah oui. Il est reparti pour 20 ans. Ah. Et avec le même succès. Ça, je suis sûr que ça t'ennuie. Non. Mais Johnny. Johnny Hallyday, filmé par Bernard Lyon à la porte de Pantin. Au cours de ce spectacle assez étonnant. Ce sont les premières images que nous voyons derrière de ce spectacle magnifique. Oui, jamais vu Johnny Hallyday. Il faut faire le point. Parfois pour exister, je me tue la santé. Et comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. Et dans le pire des cas, sans baisser les bras, contre vents et marées, marées noires ou glacées, il faut savoir lutter, savoir ne pas tricher. Et voilà, je suis toujours là. Que le prochain titre que je vais vous proposer pour cette rentrée Johnny de A à Z sur RIG de saison 2021-2022, ce sera un titre studio, qui est encore inédit commercialement. C'est le titre Jojo rentre chez toi, qui date de 1982. C'est une reprise d'un titre du groupe les Doobie Brothers, Taking It to the Street. Voici tout de suite, rentre chez toi Jojo. Jojo rentre chez toi, tout de suite. Non, c'est rentre chez toi Jojo. Oui. Vous avez raison, hein. Johnny, il va rester là car l'émission n'est pas encore finie. Nous sommes en 1982, le 14 mai 1982, Formule 1 plus 1 des Carpentiers avec le titre Montpellier, extrait de l'album Quelque part un aigle. Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny de A à Z, c'est la rentrée. Hier j'ai pris le 130 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Y a donc personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer. Ça m'a fait marrer. Dans un bar en Paris, une fille m'a dit, tu m'offres un whisky. Pour les chanteurs, c'est trop facile. Qu'ils m'ont dit les quatre débiles. Ta gueule, on va te la casser. Moi, ça m'a fait marrer. Ton cœur devrait se faire pote avec une ambulance. À force de battre à ce tempo, il va te claquer dans la peau. Un jour tu vas craquer, moi ça m'a fait marrer. Je suis pas du genre micro, bravo Dodo. J'aime bien terminer tard mon numéro. Allez, maintenant on va parler des Sunday Rock. RTL a retrouvé les bandes diffusion de l'émission estivale de 1984. Elles sont actuellement dans un coffre depuis juin 2021 en attendant un projet ou accord avec Universal. Et pour les 100 ans de la radio, cette année, Laurent Marsic de RTL présentait une chronique sur les Sunday Rock avec des extraits high quality. C'est une idée un peu folle née un jour de 1984 dans le bureau du patron des programmes d'RTL de l'époque. Proposer à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, de devenir animateur le temps d'un été. Bienvenue à Sunday Rock aujourd'hui dimanche avec mon ami Sam Bernett. Pour épauler le chanteur et sans doute aussi le convaincre, car les deux hommes sont amis, on demande à Sam Bernett, un des animateurs stars d'RTL, de prendre en charge l'organisation et la co-animation de cette émission, baptisée Sunday Rock. Bonjour à tous, en public au Rock'n'Roll Circus, c'est la boum à Jojo. Johnny va se glisser dans ce rôle avec beaucoup de sérieux. Les émissions étaient en partie enregistrées dans un temple du rock à Paris sous l'Olympia, le Rock'n'Roll Circus 2, dont le propriétaire, ça tombait bien, n'était autre que Sam Bernett, le compagnon de route de Johnny donc sur cette émission. La régie publicitaire trouva un sponsor et les premiers enregistrements furent lancés sous la supervision du grand réalisateur de radio, Bernard Meneguzzi. Sunday Rock, la séquence vidéo. Oui, nous avons une belle vidéo. Et une vidéo extraite du film Footloose. Vous avez vu Footloose ? Johnny se préparait très sérieusement, raconte ceux qui l'ont accompagné. Chaque mardi, il retrouvait son ami et complice Sam Bernett dans un restaurant parisien. Et devant un steak, américain évidemment, il prenait des notes, se renseignait sur l'actualité de celles et ceux qu'il allait recevoir. Car il ne se contentait pas de présenter des disques, il chantait en duo avec ses invités. Des duos uniques, comme avec Jacques Dutronc. Dites-nous tous les deux, vous vous êtes retrouvés très souvent sur la scène du Golf Drouot et jamais ailleurs. On s'est retrouvés souvent, oui, mais tu sais qu'on n'a jamais chanté ensemble. Est-ce qu'on peut espérer vous voir maintenant chanter une chanson tous les deux? Est-ce qu'il y en a une que vous connaissez tous les deux? Oui, oui. Oui, et moi, et moi, et moi. Eh ben allons-y. Avec ma voiture et mon chien, sans qu'un écoutant qui la voit, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Ou des jeunes talents de l'époque, Laurent Voulzy. Les portes du pénitencier. Oh, pénitencier. Ou encore Jean-Jacques Goldman. Un peu le sweet, un peu le king, pas mal de feeling et de décibels. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire la belle. We call it music hip-hop. Avec le groupe Téléphone, ce sera... Sans ton cher, trop grand, qui n'a pas de prix. Et avec d'autres, des tentatives inédites, comme ici, avec Alain Bachung, l'un en français, l'autre en anglais. Émissions diffusées entre juillet et septembre 1984 demeurent aujourd'hui ces pépites, ces duos précieusement conservés. Ouais, là, c'est notre série Slow, vous pouvez danser. Hein. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main. Montagnier qui va venir nous rejoindre pour que Johnny puisse discuter un petit peu avec lui. Il est passé ce dimanche sur Sunday Rock. Liberté, liberté. Liberté, une chose qui devient rare. Mais c'est vrai, sauf quand c'est des gens comme nous qui, je crois, toléreront complètement les autres. Je pense que la liberté, c'est ça. Hein. Je pense c'est de comprendre les autres au départ. Mais moi, je comprends très bien tout le monde, mais c'est, en général, c'est pas mal de gens qui me comprennent pas moi. Ben oui. Dis-moi, Gilbert. Moi, je garde le meilleur souvenir, un de mes meilleurs souvenirs de spectacle que je garde, c'est quand j'étais venu au Palais des Sports, et que tu avais eu la gentillesse de venir jouer avec moi du piano. Ça, ça a été un souvenir pour moi qui sera toujours je crois en qu'ici, mémoire à une bonne place. En plus, je crois qu'ici, tout le monde qui est dans la salle s'en rappelle. Un grand moment du rock'n'roll. Et puis bon, tu sais que je fais ma rentrée à Paris, le Zénith, à partir du 25 octobre. Peut-être pas tous les soirs. Mais de temps en temps, jouer avec moi, ou même tous les soirs, moi je serais ravi. Avec un grand plaisir. Tu sais, je voudrais juste prendre 2 minutes pour dire à tous les amis qui sont là qu'on parle souvent de rêves. Je sais que c'était pas prévu, tout ça, on parle souvent des rêves d'enfants, juste comme ça. Bien moi, quand j'avais quelques années de moi, je ne savais pas du tout que je me sentirais si près de Johnny. Pour moi, c'était quelque chose auquel que je pensais comme ça en loin. Ça veut dire que les choses qui vous semblent loin ou irréalisables sont tout près de vous, en fait. Nous, on est très très heureux aussi de vous parler de nous. Was a first always treat me right. Never running the streets, running me alone. She knows the one place. I got a woman. 1984, on passe à 1996, moment d'improvisation sur le plateau des années tubes. Johnny qui interprétait Restez libre, va nous interpréter un petit, je ne sais plus, We're Like Shaking Going On pour le public qui était présent ce jour-là. Alors je fais un truc pour vous, alors, hors caméra. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we've got a chicken in a ball. Who's ball? What ball? My ball. Come on over, baby, we've got a chicken in a ball. We ain't faking, whole lot of shaking going on. I said to shake, baby, shake it. I said to shake, baby, shake it. I said shake, baby, shake it. I said shake, baby, shake it. Come on over. A whole lot of shaking going on. Come on, let's shake it. Shaker, I said to shake, baby shake it. I said to shake, baby shake it. I said to shake, baby shake it. I said to come on over, baby, whole lot of shaking going on. Shh. I said shake it. Shake, shake. Oh, I said shake it. We'll shake it. Shake, shake. I said shake it. Come on over, a whole lot of shaking going on. I said shake it, baby shake it. I said shake. Baby shake, come on honey, all you've got to do baby is just shake around me. L'émission touche bientôt à sa fin. On va retrouver Johnny Hallyday dans l'émission Faites la fête le 2 mai 98 sur Antenne 2 et il chante Gabriel. Titre de cette soirée spéciale rentrée saison 2021-2022. Voici Johnny Hallyday à Marseille. C'était l'an 2000 avec le titre Deux étrangers. Te faire mourir encore. Je voudrais te dire que j'aime. route et déchiré pour rien. Chacun de nous prend sa route sans un mot, sans un signe de la main. Et après tant d'amour, et après tant de jours, achève cette émission de la rentrée 2021-2022. C'était Johnny de A à Z ici sur RIG. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé activement à cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un album de la semaine. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, bonne nuit, ciao ciao.